Mon désespoir fut immense. La nuit qui suivit ma condamnation fut une des plus tragiques de ma tragique existence. Je relais dans ma tête les projets les plus extravagants. J'étais las de tant d'atrocités, révoltée de tant d'iniquités. Mais le souvenir de ma femme, de mes enfants, m'empêcha de prendre une décision suprême, et je me résolus à attendre. Le lendemain, j'écrivis la lettre suivante. 23 décembre 1894. Ma chérie, je souffre beaucoup, mais je te plains encore plus que moi. Je sais combien tu m'aimes. Ton cœur doit saigner. De mon côté, mon adorée, ma pensée a toujours été vers toi, nuit et jour. Être innocent, avoir eu une vie sans tache et se voir condamné pour le crime le plus monstrueux qu'un soldat puisse commettre, quoi de plus épouvantable? Il me semble parfois que je suis le jouet d'un horrible cauchemar. C'est pour toi seul que j'ai résisté jusqu'aujourd'hui. C'est pour toi seul, mon adorée, que j'ai supporté ce long martyr. Mes forces me permettront-elles d'aller jusqu'au bout, je n'en sais rien. Il n'y a que toi qui puisses me donner du courage. C'est dans ton amour que j'espère le puiser. J'ai signé mon pourvoi en révision. Je n'ose te parler des enfants. Leurs souvenirs m'arrachent le cœur. Parle-m'en. Qu'ils soient ta consolation. Mon amertume est telle, mon cœur si ulcéré, que je me serais déjà débarrassée de cette triste vie si ton souvenir ne m'arrêtait. Si la crainte d'augmenter encore ton chagrin ne retenait mon bras. Avoir entendu tout ce qu'on m'a dit, quand on sait en son âme et conscience n'avoir jamais failli, n'avoir même jamais commis la plus légère imprudence, c'est la torture morale la plus épouvantable. J'essaierai donc de vivre pour toi, mais j'ai besoin de ton aide. Ce qu'il faut surtout, quoi qu'il advienne de moi, c'est chercher la vérité. C'est remuer ciel et terre pour la découvrir. C'est y engloutir, s'il le faut, notre fortune, afin de réhabiliter mon nom traîné dans la boue. Il faut à tout prix laver cette tâche imméritée. Je n'ai pas le courage de t'écrire plus longuement. Embrasse tes chers parents, nos enfants, tout le monde pour moi, Alfred. Tâche d'obtenir la permission de me voir. Il me semble qu'on ne peut te la refuser maintenant. Le 23 décembre, dans la même journée, ma femme m'écrivait. 23 décembre 1894. Quel malheur! Quelle torture! Quelle ignominie! Nous en sommes tous terrifiés, anéantis. Je sais comme tu es courageux. Je t'admire. Tu es un malheureux martyr. Je t'en supplie, supporte encore vaillamment ces nouvelles tortures. Notre vie, notre fortune à tous sera sacrifiée à la recherche des coupables. Nous les trouverons, il le faut, tu seras réhabilité. Nous avons passé près de 5 années de bonheur absolu. Vivons sur ce souvenir. Un jour, justice se fera et nous serons encore heureux. Les enfants t'adoreront. Nous ferons de ton fils un homme tel que toi. Je ne pourrais pas lui choisir de plus bel exemple. J'espère bien que je serai autorisée à te voir. En tout cas, sois certain d'une chose, c'est que je te suivrai si loin qu'on t'en verra. Je ne sais pas si la loi m'autorise à t'accompagner, mais elle ne peut m'empêcher de te rejoindre et je le ferai. Encore une fois, courage, il faut que tu vives pour nos enfants, pour moi. 23 décembre, soir. Je viens d'avoir dans mon immense chagrin la joie d'avoir de tes nouvelles, d'entendre parler, maître de manche, dans des termes si chauds, si cordiaux que mon pauvre cœur en a été réconforté. Tu sais si je t'aime, si je t'adore, mon bien cher mari. Notre immense malheur, l'horrible infamie dont nous sommes l'objet, ne font que resserrer encore les liens de mon affection. Partout où tu iras, où l'on t'enverra, je te suivrai. À deux, nous supporterons plus facilement l'expatriement, nous vivrons l'un pour l'autre, nous élèverons nos enfants. Nous leur donnerons une âme bien trempée contre les vicissitudes de la vie. Je ne puis me passer de toi, tu es ma consolation. La seule lueur de bonheur qui me reste est de finir mes jours à tes côtés. Tu as été un martyr et tu as encore horriblement à souffrir. La peine qui va t'être infligée est odieuse. Promets-moi que tu la supporteras courageusement. Tu es fort de ton innocence. Imagine-toi que c'est un autre que toi-même que l'on déshonore. Accepte le châtiment immérité, fais-le pour moi, pour ta femme qui t'adore. Donne-lui ce témoignage d'affection. Fais-le pour tes enfants, ils t'en seront reconnaissants un jour. Ils t'embrassent bien et demandent beaucoup leur papa, ces pauvres petits. Lucie. J'avais signé sans espoir mon pourvoi en révision devant le tribunal de révision militaire. La révision, en effet, ne pouvait être invoquée devant ce tribunal que pour vice de forme. J'ignorais alors que la condamnation avait été illégalement prononcée. Les jours s'écoulèrent dans une attente angoissante. J'étais ballottée entre mon devoir et l'horreur que m'inspirait un supplice aussi infâme qu'immérité. Ma femme, qui n'avait pas encore pu obtenir l'autorisation de me voir, m'écrivit de longues lettres pour me soutenir et m'encourager à supporter le supplice de la dégradation. 24 décembre 1894. Je souffre au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, des horribles tortures que tu supportes. Ma pensée ne te quitte pas une seconde. Je te vois seule dans ta triste prison, en proie aux plus sombres réflexions. Je compare nos années de bonheur, les douces journées que nous avons passées ensemble à l'heure actuelle. Comme nous étions heureux, comme tu as été bon et dévoué pour moi. Avec quel entier dévouement tu m'as soignée quand j'étais malade. Quel père tu étais pour nos pauvres chéris. Tout cela passe et repasse dans mon esprit. Je suis malheureuse de ne pas t'avoir près de moi, de me sentir seule. Mon cher adoré, il faut absolument que nous nous retrouvions ensemble, que nous vivions l'un pour l'autre, car nous ne pouvons plus exister l'un sans l'autre. Il faut que tu te résignes à tout, que tu supportes les terribles épreuves qui t'attendent, que tu sois fort et fier dans le malheur. 25 décembre. Je pleure et je recommence à pleurer. Tes lettres seules viennent me consoler dans mon extrême douleur. Seules elles me soutiennent et me réconfortent. Vis pour moi, je t'en conjure, mon cher ami. Rassemble tes forces, lutte. Luttons ensemble jusqu'à la découverte du coupable. Que deviendrais-je sans toi? Je n'aurais plus rien qui me rattacherait au monde. Je mourrais de chagrin si je n'avais l'espoir de me retrouver auprès de toi et de passer encore d'heureuses années à tes côtés. Nos enfants sont ravissants. Ton pauvre petit Pierre demande tant après toi, je ne puis lui répondre que par des larmes. Ce matin encore, il me demandait si tu rentrerais ce soir. Je m'ennuie beaucoup, beaucoup après mon papa, m'a-t-il dit. Jeanne change énormément, elle cause bien, fait des phrases et embellit beaucoup. Du courage, tu les retrouveras un jour. Nos rêves, nos projets renaîtront et nous pourrons les accomplir. 26 décembre 1894. J'ai été porter moi-même tes effets aux greffes de la prison. Je suis entrée dans cette triste maison où tu subis cet horrible martyre. Pour un moment, j'ai eu la sensation que je me rapprochais de toi. J'aurais voulu briser ces froides murailles qui nous séparaient et venir t'embrasser. Malheureusement, il est des choses pour lesquelles la volonté est impuissante, des cas où toutes les forces physiques et morales ne suffisent pas pour vaincre. J'attends très impatiemment le moment où on nous permettra de nous jeter enfin dans les bras l'un de l'autre. Je te demande un immense sacrifice, celui de vivre pour moi, pour nos enfants, de lutter jusqu'à la réhabilitation. Je mourrais de chagrin si tu n'étais plus. Je n'aurais pas la force de soutenir une lutte pour laquelle toi seul au monde peux me fortifier. 27 décembre 1894. Je ne puis me lasser de t'écrire, de venir te causer, ce sont mes seuls bons moments. Je ne sais faire que cela et pleurer. Tes lettres me font tant de bien, merci, continue à me gâter. Je donnerai aux enfants des joies de ta part. Ils n'ont pas besoin de cela pour penser à toi. Tu étais si bon pour eux que ces petits ne t'oublient pas. Pierre demande beaucoup après toi. Et le matin, ils viennent tous deux dans ma chambre admirer ta photographie. Pauvre ami, comme tu dois souffrir de ne pas les voir. Mais garde ton beau courage. Un jour viendra où nous serons tous réunis, tous heureux, où tu pourras les caresser, les adorer. Je t'en supplie, ne t'occupe pas de ce que pense la foule. Tu sais combien les opinions tournent. Qu'il te suffise de savoir que tous tes amis, tous ceux qui te connaissent sont pour toi. Les gens intelligents cherchent à débrouiller le mystère. 21 décembre 1894. Je vois que tu as repris courage, et tu m'en as redonné. Supporte vaillamment cette triste cérémonie. Relève la tête et crie ton innocence, ton martyr à la face de tes exécuteurs. Cet horrible supplice passé, je mettrai tout mon amour, toute ma tendresse, toute ma reconnaissance à t'aider à supporter le reste. Lorsqu'on a sa conscience pour soi, la conviction qu'on a fait son devoir toujours et de tout temps, l'espérance dans l'avenir. On peut tout supporter. Lucie. Le 31 décembre 1894, j'appris que le pourvoi en révision avait été repoussé. Le soir même, le commandant du paty de Clam se présenta à la prison. Il venait me demander si je n'avais pas commis quelque acte d'imprudence, quelque acte d'amorçage. Je ne lui répondis qu'en protestant toujours aussi énergiquement de mon innocence. Aussitôt après son départ, j'écrivais la lettre suivante au ministre de la guerre. Monsieur le ministre, j'ai reçu, par votre ordre, la visite du commandant du paty de Clam, auquel j'ai déclaré encore que j'étais innocent et que je n'avais même jamais commis la moindre imprudence. Je suis condamné, je n'ai aucune grâce à demander. Mais au nom de mon honneur, qui, je l'espère, me sera rendu un jour, j'ai le devoir de vous prier de vouloir bien continuer vos recherches. Moi parti, qu'on cherche toujours, c'est la seule grâce que je sollicite. J'écrivis ensuite à Maître de Manche pour lui rendre compte de cette visite. J'avais précédemment informé ma femme du rejet du pourvoi. 31 décembre 1894. Ma chère Lucie, le pourvoi est rejeté comme il fallait s'y attendre. On vient de me le signifier. Demande de suite la permission de me voir. Le supplice cruel et horrible approche. Je vais l'affronter avec la dignité d'une conscience pure et tranquille. Te dire que je ne souffrirai pas, ce serait mentir. Mais je n'aurai pas de défaillance. Alfred. Ma femme me répondit. 1er janvier 1895. J'ai envoyé hier après-midi à la place porter ma demande et on a vainement attendu la réponse. Pourvu que mon autorisation de te voir m'arrive demain, car enfin quelle raison pourrait-il t'invoquer maintenant si ce n'est celle de la cruauté, de la barbarie? Pauvre, pauvre ami, que je voudrais donc t'embrasser, te consoler, te réconforter. Non, vois-tu, mon cœur saigne à la pensée des tortures que tu as à subir. Avoir une belle âme comme la tienne, des sentiments aussi élevés, une bonté inaltérable, un patriotisme exalté, et se voir torturer avec cette cruauté, cet acharnement, et payer, toi innocent, pour un autre qui se dérobe lâchement derrière son infamie. Il n'est pas admissible, s'il existe une justice, que ce traître ne se dévoile pas, que la vérité ne se fasse pas jour, Lucie. Enfin, ma femme fut autorisée à me voir. L'entrevue eut lieu dans le parloir de la prison. C'est une pièce grise, séparée au milieu par deux grilles parallèles, treillagées. Ma femme était d'un côté de l'une des grilles, moi de l'autre de la deuxième grille. C'est dans ces conditions pénibles qu'il me fut permis de voir ma femme après tant de semaines douloureuses. Je ne pus même pas l'embrasser, la serrer dans mes bras. Nous dûmes causer à distance, cependant ma joie fut grande de revoir ce cher visage. Je cherchais à y lire et à y voir quelles traces y avaient laissé la souffrance et la douleur. Après son départ, je lui écrivis. Mercredi, 5 heures. Ma chérie, je veux encore t'écrire ces quelques mots pour que tu les trouves demain matin à ton réveil. Notre conversation, même à travers les barreaux de la prison, m'a fait du bien. Je tremblais sur mes jambes en descendant, mais je me suis raidie pour ne pas tomber par terre d'émotion. À l'heure qu'il est, ma main n'est pas encore bien assurée. Cette entrevue m'a violemment secouée. Si je n'ai pas insisté pour que tu restes plus longtemps, c'est que j'étais à bout de force. J'avais besoin d'aller me cacher pour pleurer un peu. Ne crois pas pour cela que mon âme soit moins vaillante ni moins forte, mais le corps est un peu affaibli par 3 mois de prison. Ce qui m'a fait le plus de bien, c'est de te sentir si courageuse et si vaillante, si pleine d'affection pour moi. Continue, ma chère femme, imposons le respect au monde par notre attitude et notre courage. Quant à moi, tu as dû sentir que j'étais décidée à tout. Je veux mon honneur et je l'aurai. Aucun obstacle ne m'arrêtera. Remercie bien tout le monde. Remercie de ma part Maître de Manche de tout ce qu'il a fait pour un innocent. Dis-lui toute la gratitude que j'ai pour lui. J'ai été incapable de l'exprimer moi-même. Dis-lui que je compte sur lui dans cette lutte pour mon honneur. Alfred. La première entrevue avait eu lieu dans le parloir de la prison. Elle avait revêtu, par les circonstances, un caractère si tragique que le commandant Forzinetti demanda et obtint l'autorisation de me laisser voir ma femme dans son cabinet, lui étant présent. Ma femme vint me voir une seconde fois. C'est alors que je lui fis la promesse de vivre et d'affronter courageusement la douleur de la lugubre cérémonie qui m'attendait.

pourvu, mon Dieu, que mes forces physiques ne m'abandonnent pas. Le moral tient, ma conscience qui ne me reproche rien me soutient. Je commence à être à bout de patience et de force. Je te raconterai plus tard, quand nous serons de nouveau heureux, ce que j'ai souffert aujourd'hui. Combien de fois, au milieu de ces nombreuses pérégrinations parmi de vrais coupables, mon cœur a saigné. Je me demandais ce que je faisais là, pourquoi j'étais là. Il me semblait que j'étais le jouet d'une hallucination. Mais hélas, mes vêtements déchirés, souillés, me rappelaient brutalement à la réalité. Les regards de mépris qu'on me jetait me disaient trop clairement pourquoi j'étais là. Hélas, pourquoi ne peut-on pas ouvrir avec un scalpel le cœur des gens et y lire? Tous les braves gens qui me voyaient passer y auraient lu, gravé en lettres d'or, cet homme est un homme d'honneur. Mais comme je les comprends, à leur place, je n'aurais pas non plus pu contenir mon mépris à la vue d'un officier qu'on leur dit être un traître. Mais hélas, c'est là ce qu'il y a de tragique, c'est que le traître, ce n'est pas moi. 5 janvier 1895, samedi, 7h du soir. Je viens d'avoir un moment de détente terrible, des pleurs entremêlés de sanglots, tout le corps secoué par la fièvre. C'est la réaction des horribles tortures de la journée. Elle devait fatalement arriver. Mais hélas, au lieu de pouvoir sangloter dans tes bras, au lieu de pouvoir m'appuyer sur toi, mes sanglots ont résonné dans le vide de ma prison. C'est fini, oh les cœurs. Je concentre toute mon énergie, fort de ma conscience pure et sans tache. Je me dois à ma famille, je me dois à mon nom. Je n'ai pas le droit de déserter tant qu'il me restera un souffle de vie. Je lutterai avec l'espoir prochain de voir la lumière se faire. Donc, poursuivez vos recherches. Alfred. De ma femme, samedi soir, 5 janvier 1895. Quelle horrible matinée. Quels atroces moments, non, je ne puis y penser, cela me fait trop souffrir. Toi, mon pauvre ami, un homme d'honneur, toi qui adores la France, toi qui as une âme si belle, des sentiments aussi élevés, subir la peine la plus infamante qu'on puisse infliger, c'est abominable. Tu m'avais promis d'être courageux, tu as tenu parole, je t'en remercie. Ta dignité, ta belle attitude ont frappé bien des cœurs, et lorsque l'heure de la réhabilitation arrivera, le souvenir des souffrances que tu as endurées dans ces horribles moments sera gravé dans la mémoire des hommes. J'aurais tant voulu être auprès de toi, te donner des forces, te réconforter. J'avais tant espéré te voir, mon pauvre ami, et mon cœur saigne à l'idée que mon autorisation ne m'est pas encore parvenue et que je devrais peut-être attendre encore pour avoir l'immense bonheur de t'embrasser. Nos chéris sont bien gentils, ils sont si gais, si heureux. C'est une consolation dans notre immense malheur de les avoir si jeunes, si inconscients de la vie. Pierre parle de toi et avec tant de cœur que je ne puis m'empêcher de pleurer. Lucie. De la prison de la santé, dimanche 6 janvier 1895, 5h. Pardon, mon adoré, si dans mes lettres d'hier j'ai exhalé ma douleur, étalé ma torture. Il fallait bien que je la confie à quelqu'un. Quel cœur est plus préparé que le tien à recevoir le trop-plein du mien? C'est ton amour qui m'a donné le courage de vivre. Il faut que je le sente vibrer près du mien. Courage, donc. Ne pense pas trop à moi, tu as d'autres devoirs à remplir. Tu te dois à nos enfants, à notre nom qu'il faut réhabiliter. Pense donc à toutes les nobles missions qui t'incombent. Elles sont lourdes, mais je te sais capable de les entreprendre, à condition de ne pas te laisser abattre, à condition de conserver tes forces. Il faut donc lutter contre toi-même, rassembler toute ton énergie et ne penser qu'à tes devoirs. Alfred. De ma femme, dimanche 6 janvier 1895. Je suis bien tourmentée de ne pas avoir encore reçu de tes nouvelles. Je suis anxieuse de savoir comment tu as supporté ces horribles moments. On m'apporte tes deux lettres, c'est un soulagement pour moi. Merci de me gâter ainsi. Je reconnais là ton bon cœur. Je ne puis te dire combien cela me navre. Quel déchirement je ressens à la pensée de tes souffrances. Quelle vie, mon Dieu, quel martyr. Je m'attendais à ce que tu aies un moment de détente terrible, une crise. Je suis sûre que cela t'a fait du bien de pleurer. Pauvre ami, nous étions si heureux, si tranquilles. Nous ne vivions que pour nous, que pour faire le bonheur de nos parents, de nos enfants, de notre famille. Si seulement je pouvais être auprès de toi, partager tes douleurs, tes souffrances, rester dans ta cellule, vivre de la même vie que toi, je serais presque heureuse. J'aurais au moins l'immense bonheur de te soulager un peu, de te consoler avec mon immense affection, de t'entourer de tous les soins qu'une femme qui t'adore pourrait te donner. Mais je t'en supplie, garde ton courage. Ne te laisse pas abattre. lundi 7 janvier 1895. Ma première occupation, aussitôt levée, est de venir causer un peu avec toi, de tâcher de t'envoyer un petit rayon de chaleur dans ta triste cellule. Je souffre tellement, tellement de te sentir si malheureux, de ne pouvoir soulager ta douleur, que tout ce qui m'entoure, tout ce qui se passe autour de moi, en un mot, tout ce qui n'est pas toi, me laisse indifférente. Je ne pense qu'à toi, je ne veux vivre que pour toi, et dans l'espoir de te retrouver bientôt. Dis-moi, je t'en prie, tout ce que tu ressens, dans quel état physique tu es. J'ai des angoisses, des inquiétudes terribles que ta santé ne te trahisse. Ah, si je pouvais te voir, si je pouvais rester auprès de toi, te faire oublier un peu ton malheur, que ne donnerais-je pour cela? 7 janvier soir. Que pourrais-je te dire, si ce n'est que je ne pense qu'à toi, que je ne parle que de toi, que toute mon âme, tout mon esprit sont tendus vers toi. Je te demande, je te supplie d'avoir du courage, de ne pas te laisser abattre, de ne pas te laisser ronger par le chagrin, et de lutter pour que tes forces physiques ne t'abandonnent pas. Il faut que nous arrivions à te réhabiliter. Nous faisons tout et nous ferons tout pour cela. Qu'est-ce que notre fortune à côté de l'honneur d'un homme, d'enfant, de deux familles? Je serais heureuse d'avoir consacré tout notre avoir à cette noble tâche. Nous avons tous la conviction qu'il n'est pas d'erreur qui ne se reconnaisse un jour, que le coupable se trouvera et que nos efforts seront couronnés de succès. Lucie. De la prison de la santé, mardi 8 janvier 1895. Dans mes plus tristes moments, dans mes moments de crise violente, une étoile vient tout à coup briller dans mon cerveau et me sourire. C'est ton image, ma chérie, c'est ton image adorée, que j'espère revoir bientôt et auprès de laquelle j'attendrai patiemment qu'on me rende ce que j'ai de plus cher en ce monde, mon honneur qui n'a jamais failli. Alfred. De ma femme, mardi 8 janvier 1895. J'étais terriblement inquiète de ne pas avoir de tes nouvelles et j'ai passé une nuit atroce. Enfin, ce matin, j'ai reçu ta bonne lettre et cela m'a fait du bien. Je ne m'explique pas du tout comment tes lettres sont si longues à parvenir. Ainsi, une lettre de toi écrite le dimanche ne m'arrive que le mardi. Je viens de recevoir l'autorisation de te voir les lundis et vendredis à 2 heures dans le cabinet de monsieur le directeur. Tu penses si j'en ai été heureuse, Lucie. De la prison de la santé, mercredi 9 janvier 1895. Vraiment, quand j'y pense encore, je me demande comment j'ai pu avoir le courage de te promettre de vivre après ma condamnation. Cette journée de samedi reste dans mon esprit gravée en lettres de feu. J'ai le courage du soldat qui affronte le danger en face, mais hélas, aurais-je l'âme du martyr? Je vis d'espoir, je vis dans la conviction qu'il est impossible que la vérité ne se fasse pas jour, que mon innocence ne soit pas reconnue et proclamée par cette chère France, ma patrie. Jeudi 10 janvier 1895. Depuis ce matin, 2 heures, je ne dors plus, dans l'attente où je suis de te voir aujourd'hui. Il me semble que j'entends déjà ta voix chérie me parler de nos chers enfants, de nos chères familles. Et si je pleure, je n'en ai pas honte, car le martyr que j'endure est vraiment cruel pour un innocent. Alfred. De ma femme, jeudi 10 janvier 1895. J'ai reçu hier soir ta lettre de mardi et je l'ai lue, relue. J'ai pleuré étant seule dans ma chambre et ce matin encore à mon réveil. J'avais joui cette nuit d'un peu de calme, j'avais rêvé que nous causions. Mais quel réveil, quelles angoisses quand je me suis trouvée de nouveau en proie à mon sombre chagrin. Si je souffre tant, c'est pour toi qui subis héroïquement le plus terrible des martyrs, pour toi qui as été torturée moralement de la façon la plus épouvantable et la plus imméritée. Lucie. De la prison de la santé, vendredi 11 janvier 1895. Pardonne-moi si parfois je gémis, mais que veux-tu, il m'arrive sous l'amertume des souvenirs d'avoir besoin d'épancher dans ton cœur le trop-plein du mien. Nous nous sommes toujours si bien compris, mon adoré, que je suis sûre que ton âme forte et généreuse palpite d'indignation avec la mienne. Nous étions si heureux, tout nous souriait dans la vie. Te souviens-tu quand je te disais que nous n'avions rien à envier à personne? Situation, fortune, amour réciproque de l'un pour l'autre, des enfants adorables. Nous avions tout, enfin. Pas un nuage à l'horizon, puis un coup de foudre épouvantable, inattendu, si incroyable même qu'aujourd'hui encore, il me semble parfois que je suis le jouet d'un horrible cauchemar. Je ne me plains pas de mes souffrances physiques, tu sais que celles-là, je les méprise. Mais sentir planer sur mon nom une accusation épouvantable, infâme quand on est innocent, Ah, cela, non. Et c'est pourquoi j'ai supporté toutes les tortures, tous les affronts, car je suis convaincue que tôt ou tard la vérité se découvrira et qu'on me rendra justice. J'excuse très bien cette colère, cette rage de tout un noble peuple auquel on apprend qu'il y a un traître. Mais je veux vivre pour qu'il sache que ce traître, ce n'est pas moi. Soutenu par ton amour, par l'affection sans bornes de tous les nôtres, je vaincrai la fatalité. Je ne prétends pas que je n'aurai pas encore parfois des moments d'abattement, de désespoir même. Vraiment, pour ne pas se plaindre d'une erreur aussi monstrueuse, il faudrait une grandeur d'âme à laquelle je ne prétends pas. Mais mon cœur restera fort et vaillant. Je vivrai, mon adoré, parce que je veux que tu puisses continuer à porter mon nom comme tu l'as fait jusqu'à présent, avec honneur, avec joie et avec amour, parce qu'enfin je veux le transmettre intact à nos enfants. Ne vous laissez donc pas abattre par l'adversité, ni les uns ni les autres. Cherchez la vérité sans trêve ni repos. Alfred. De ma femme. Vendredi 11 janvier 1895. Comme j'ai été contente de passer quelques moments avec toi et combien elles m'ont semblé courtes, j'avais tant d'émotions que je ne pouvais te parler, t'exhorter au courage. Pauvre ami, que j'aurais voulu te dire ce que je pense de toi, combien je t'admire, combien je t'aime, et toute la reconnaissance que j'ai de l'immense sacrifice que tu as fait pour moi, pour tes enfants. J'ai eu des remords, je ne t'ai pas assez parlé de l'espoir que nous avions de découvrir la vérité. Nous avons la conviction absolue d'arriver. Te dire dans combien de temps, c'est une chose impossible, mais il faut prendre patience et ne pas désespérer. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons qu'une préoccupation du matin au soir, et toute la nuit nous tourterons l'esprit pour avoir un indice, un fil quelconque qui puisse nous faire trouver le misérable, l'infâme personnage qui nous a détruit notre honneur. Nous réunissons toutes nos intelligences, toutes nos volontés. Eh bien, avec tous ces éléments et la persévérance que nous y mettons, il est impossible que nous n'arrivions pas à te réhabiliter. Ne te tourmente pas pour les enfants, ce sont tous les deux de braves petits cœurs. Samedi 12 janvier 1895. Je suis encore tout émue de notre entrevue d'hier. J'ai été terriblement impressionnée en te voyant, en te causant. J'en ai éprouvé un tel plaisir que j'étais incapable de fermer l'œil cette nuit. Tu es admirable de conserver, malgré tes souffrances, une âme aussi vaillante, des sentiments aussi nobles, aussi élevés. Oui, il faut bien l'espérer, un jour viendra où la lumière sera faite, où ton innocence sera reconnue, où la France reconnaîtra son erreur et verra en toi un de ses plus braves, de ses plus nobles enfants. Tu auras encore du bonheur, nous passerons d'heureuses années ensemble. Toi qui faisais tant de projets, qui rêvais de faire de ton fils un homme, tu auras encore cette joie. Il est bien bon ton petit Pierre, et sa sœur est très gentille également. J'étais sévère pour eux, tu le sais. Mais j'avoue que maintenant, tout en exigeant d'eux l'obéissance, je me laisse souvent aller à les gâter, qu'ils profitent ces pauvres petits, avant de connaître les tristesses de la vie. Dimanche 13 janvier 1895. Quelle patience, quelle abnégation, quel courage il te faut avoir pour supporter ces longues humiliations. Je ne peux pas te dire quelle profonde admiration j'ai pour toi. La dignité, la volonté avec lesquelles tu acceptes le martyre pour moi, pour nos enfants, sont surhumaines. Je suis fière de porter ton nom et lorsque les enfants auront l'âge de comprendre, ils te seront reconnaissants des souffrances que tu as endurées pour eux. Lundi 14 janvier 1895. Quel dommage que ces instants si courts et si désirés de notre entrevue soient déjà passés. Que les minutes d'ennui sont longues, mais comme les minutes de bonheur passent vite. Cette entrevue s'est de nouveau passée comme un rêve. Je suis arrivée à la prison avec joie et je suis rentrée saisie par une profonde tristesse. Ta vue m'a fait du bien, je ne pouvais cesser de te regarder, de t'écouter. Mais je souffre horriblement en te quittant de te laisser seule dans cette sombre prison, en proie à ton chagrin, à cette horrible torture morale, à cette souffrance imméritée. Lucie. Ma femme, épuisée par cette succession ininterrompue d'émotions, fut obligée de prendre le lit. Vendredi 18 janvier 1895. Quelle triste journée je passe, pire que les autres si cela est possible, car la seule ombre de bonheur qui nous est accordée m'est aujourd'hui refusée. J'ai pu me lever, mais je ne suis pas encore assez solide pour sortir. Le docteur, malgré l'immense désir que j'avais de venir t'embrasser, craignait pour moi un refroidissement. Il désirait que je garde encore la chambre demain. Cela me fait beaucoup de peine et je dois t'avouer que j'ai été un peu raisonnable. Je me suis cachée pour pleurer. Lucie. Cette lettre ne me parvint qu'à l'île de Ré. Ma femme ignorait encore mon départ.